boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Une fois n'est pas coutume, c'est avec le dernier titre des Français de Drytan que nous ouvrons ce 348e Pop and Rock sur la très locale RVR qui enchaîne avec le New Realm des Gliders que nous avons dégusté pour la première fois la semaine passée. Thank you. Dans Pop and Rock, on vous a déjà offert des titres des Headhaters. Ce soir, Tom Smith laisse tomber la cavalerie pour la guitare sèche et ça donne There's is nothing in the dark that isn't in the light, titre fleuve pour un album doux amer comprenant 10 titres, dont la première piste s'appelle Deep Dive. On écoute ce soir Tom Smith dans Pop and Rock. In the birth of a morning, in the passing of time, in the wake of December, in the time of your life, I will always remember the space when you spoke. In between the words, we were struggling to float. But it's a deep dive learning to breathe. I don't know what you keep down there in your deepest ocean. You'll heal eventually. You are not alone when you're lonely. We all get left behind. You are not alone when you're lonely. There is nothing in the dark that isn't there in the light. Your sadness is an arc that's helpless in a tide. Nothing's ever simple, superstitious man. If there's an outstretched arm, you should take it if you can. You better take it if you can. But it's a deep dive learning to breathe. I don't know what you keep down there in your deepest ocean. You'll heal eventually. You are not alone when you're lonely. We all get left behind. You are not alone when you're lonely. You are not alone when you're lonely. There is nothing in the dark that isn't there in the light. There is nothing in the dark that isn't there in the light. There is nothing in the dark that isn't there in the light. But it's a deep dive learning to breathe. I don't know what you keep down there in your deepest ocean. You'll hear eventually. You are not alone when you're lonely. We all get left behind. You are not alone when you're lonely. When you're lonely, Tom Smith et son album solo à déguster, à savourer au coin du feu, en bonne compagnie, quelques chandelles et avec un bon vin. Sinon, si le romantisme n'est pas votre truc... It's all about the non-stop, blah, blah, blah. It's all about the job, watch, house and car. It's all about the finding a new witch. You better scratch until it scars. All about the coveting of clout. It's all about the stand out with the crowd. It's all about the hand wringing while swinging between confidence and doubt. We don't go out much anymore. Ouais, Drytan et Clockworks dans notre pop and rock, je crois bien qu'en 2028, ce sont les deux groupes les plus joués, les plus diffusés. Pourtant, on aime aussi trouver d'autres perles. Et après la découverte de tout à l'heure de Tom Smith, revenons voir un Frenchie, Nick O'Shaughnessy, se la joue rock à la sauce ricain. Ça chante en anglais, le son est beau, rien de bien nouveau, mais nous on aime son Sunshine the Cheers. I gave up on my old dreams, I left them on a brick walls. My past belongs to the streets, it's just the end of a long road. À la voix, ça sonne à fond le blues rock américain. Ouais, mais c'est Made in France et c'est Nicolas Shaughnessy, enfin Nick O'Shaughnessy, ce soir dans Pop and Rock. My lily honey, to the country. She wanna feel the groove. It takes ages for a man. It takes a man to understand. Je dis régulièrement que la Belgique est l'autre pays du rock, car de Arnaud à Balthazar en passant par Deus, les rockers belges peuvent tenir la dragée haute et même face aux ricains et même aux grands bretons. Ce soir, le savoureux mélange des liégeois de Gros Cœur va vous envoler pendant 5 minutes 25. Rendez-vous à Montréal avec Gros Cœur. Et Walter Astral à l'instant, cousin psychédélique pour notre plus grand bonheur. Mais ce soir, notre voyage ne sera pas que géographique, il sera aussi à travers les styles musicaux, car après le psychédélisme, voici qu'arrive la funk rock. Non, point de FFF. Mais le tout aussi péchu et certainement plus éclectique, Bowie Will. It sails. Become your light all along. There is a way to pay your bill. You wanna want to bite your tongue. It seems to lead to no ill. Wrap up, catch and stand up strong. Keep it up, straight upon the rail. 'Cause it can't go, it can't go wrong. It's too early, no time to fail. When it can't go, it can't go wrong. Now it's time, the time to leave the trails. When it can't go, it can't go wrong. Shouldn't you want to set sails? Yeah. You know they may bring it to jungles, blizzards, bright beaches, all the white rambles. Backstreet doors may lead you where the faces. You know they may bring it to jungles. Get spirit up, jump all obstacles. You know that it can't go, it can't go wrong. Now it's time, the time to lead the trails. When it can't go, it can't go wrong. Should you want, you must it says. Shona, Groker, Walter Astral, Bowie Will, la scène francophone est très présente ce soir. Et voici une nouvelle découverte. Pauline Rambaud de Barallon, ouais, c'est son blaze, hein, désolé, sort presque punk. Si la musique ne l'est peut-être pas, son esprit, nous le pensons, il l'est. Voici donc PR2B. Ouais, ouais, PR2B, on dirait un acronyme de travaux publics, non ? Allez, on écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, qu'est-ce qui se passe ? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, qu'est-ce qui se passe? Y'a un buzz dans mes oreilles, dans mes oreilles. Y'a un buzz, je suis certaine, il n'était pas là à mon réveil. Y'a un buzz dans mes oreilles, dans mes oreilles. Y'a un buzz, mais comment a-t-il pu arriver une chose pareille? Un buzz. We'll be right back. ces jours-ci, je n'ai rien fait de très particulier. J'ai mangé, surtout dormi et je n'ai pas beaucoup rêvé. J'ai parlé à des amis qui étaient un peu déprimés, mais rien de bien alarmant, rien qui pourrait justifier ce passe. À décrire ce buzz dévastateur, paniqué par ce cas d'ampleur, il s'est enfui du cabinet en pleurs. Il m'a crié à tous vous déconstruire, vous avez créé une épidémie majeure. Je l'ai regardé partir, j'ai vu l'infirmière commencer à gémir. Le buzz avait pris d'assaut les locaux, la radio passait son très méchant concerto. Arrivé sur l'avenue, tombé des nus, j'ai vu les gens dans la rue, tous nus et mis par la transe, plein d'insolence. Aujourd'hui la France danse le buzz. Si la musique de PR2B, putain, quelle idée, mais franchement, quel pseudo, enfin bon, si la musique de PR2B ne vous a pas plu, allez, on fonce vers des vieux potes à nous, Vampire Weekend. Se laisser partir avec des vieilleries issues de nos dossiers musicaux et pour commencer, un titre de The Orioles. Vampire Weekend, The Orioles et à l'instant de Mars Volta, pour plonger encore plus vieux dans pop and rock, il y a également Alex Mas et son Keep Your Balance. Allez, je vous dis rendez-vous semaine prochaine. Bon vent à tous.